Psaume 79. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations sont entrées dans ton héritage, on a profané le temple de ta sainteté, on a mis Jérusalem en monceau de pierre. On a donné les corps morts de tes serviteurs pour viande aux oiseaux des cieux, et la chair de tes bien-aimés aux bêtes de la terre. On a répandu leur sang comme de l'eau à l'entour de Jérusalem, et il n'y avait personne qui les ensevelit. Nous avons été en opprobre à nos voisins, en moquerie et en raillerie à ceux qui habitent autour de nous. Jusqu'à quand, ô Éternel, te courroucera-tu à jamais? Ta jalousie s'embrasera-t-elle comme un feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent point, et sur les royaumes qui n'invoquent point ton nom. Car on a dévoré Jacob, et on a ravagé ses demeures. Ne rappelle point devant nous les iniquités commises ci-devant, et que tes compassions nous préviennent, car nous sommes devenus fort chétifs. Ô Dieu de notre délivrance, aide-nous pour l'amour de la gloire de ton nom, et nous délivre, et pardonne-nous nos péchés pour l'amour de ton nom. Pourquoi diraient les nations, où est leur Dieu? Que la vengeance du sang de tes serviteurs qui a été répandue, soit manifestée parmi les nations en notre présence. Que le gémissement des prisonniers vienne en ta présence, mais réserve, selon la grandeur de ta puissance, ceux qui sont déjà voués à la mort. Et rends à nos voisins dans leur sein, cette fois au double, l'opprobre qu'ils t'ont fait, ô Éternel. Mais nous, ton peuple, et le troupeau de ta pâture, nous te célébrerons à toujours, d'âge en âge, et nous raconterons ta louange.